C'est le parfum du ghetto. Elle veut se marier tôt. Elle fait trembler le réseau. Elle passe l'été dans le ghetto. C'est le parfum du ghetto. Elle veut se marier tôt. Elle fait trembler le réseau. Elle passe l'été dans le ghetto. Ce soir on est d'ail, tout le check est guetta. Elle fait la fraîche, je veux toucher le Beretta. Je me balade à Marseille, je lui fais voir le guetta. Elle aime pas trop mondial, moi j'aime pas trop l'état. Elle vient me voir un clio au pot de pêche. J'aime son petit boule, ses manières, sa mèche. Elle sait pas d'avoir ça comme Marrakech, cush cush. J'ai cramé au réseau, va la cush cush cush. En KTM sur la Honda. Je fais ta belle, t'as pas Honda. Quartier Nord, c'est la Honda. Libérer les bons maîtres au mandat. T'as des balles sur le cœur, ouais, c'est ta calage. Je viens chercher garde à vue, voilà l'état là. J'prends des potes et des potes et des potes et des potes et des potes et des potes à cause d'une calage. Reprise de voler pour te tirer dans les buts. Respecte les filles, bien pas les putes. Être monte le moral, être monté, être monté, être monté de ta chute. Ananas, coco, c'est ta clochette aussi. Oh. Copine, t'aimes pas être rejette aussi. Oh. Qui sont les vrais, c'est qui sont les fous, toi. Tu t'en balais que ça parle, c'est ta clochette oh. C'est le parfum du ghetto. Elle veut se marier tôt. Elle fait trembler le réseau. Elle passe l'été dans le ghetto. C'est le parfum du ghetto. Elle veut se marier tôt. Elle fait trembler le réseau. Elle passe l'été dans le ghetto. C'est le parfum du ghetto. Elle veut se marier tôt. Elle fait trembler le réseau. Elle passe l'été dans le ghetto. Elle est bouche, c'est caliente. Carnalita, fiat à barre, puis te teinte. Elle fait sa belle, plus de blé. Tu me critiques, tes baillants, viens me voir, je suis au renté. Elle fait sa fraîche zèle, un petit peu des ailes. Elle prend la selle, je sors en aisselle. Le gérant veut fouetter le guetteur dans la sacoche. Y'a un billet en moins lors de la recette. Ma bonita, veut les billets. Fais tourner la tête, toi tu penses aux billets. C'est ta Catalina, tu fais te faire câliner. Toi c'est le parfum quartier, le parfum vanillé. Avec toi elle se sent protégée. C'est léger, léger. Un verre de trop, t'as envie de la fouetter. C'est léger, léger. Yeah, chilili. Faut qu'on brasse à chilili. Yeah, chilili. Tu connais pas, tu connais ma vie. Yeah, chilili. Faut qu'on brasse à chilili. Yeah, chilili. Tu connais pas, tu connais ma vie. C'est le parfum du ghetto. Elle veut se marier tôt. Elle fait trembler le réseau. Elle passe l'été dans le ghetto. C'est le parfum du ghetto. Elle veut se marier tôt. Elle fait trembler le réseau. Elle passe l'été dans le ghetto. C'est le parfum du ghetto. Elle veut se marier tôt. Elle fait trembler le réseau. Elle passe l'été dans le ghetto. Elle passe l'été dans le ghetto. C'est le parfum du ghetto. Elle veut se marier tôt. Elle fait trembler le réseau. Elle passe l'été dans le ghetto. C'est le parfum du ghetto.